Rien n'a changé depuis la haine. Je suis comme un gladiateur dans l'arène. Même mon ange de gauche me dit arrête. Je coupe le maroc de la cigarette. Rien n'a changé depuis la haine. Comme un gladiateur dans l'arène. Même mon ange de gauche me dit arrête. Je coupe le maroc de la cigarette. Je suis de la génération Z. J'taffe pas, j'en ai rien à foutre. J'vends du linge, mets des allées où. Tous les jours j'pense à l'enfer. Car y'a que le billet aller. J'dis à ma sœur de pas s'en faire. Si un jour on a tout, oublie pas qu'on avait elle. À peine dans le sirop pour la toux. J'ai le sourire de Malik, putain, en vrai j'ai déjà tout. J'ai même plus derrière quoi je cours. La gloire, moi j'en ai rien à foutre. Allez, t'as fait ta folle, promis de revenir avec la coupe. J'aime pas voler les autres, du coup j'ai dû droguer les autres. J'fume 14 gens par jour, j'ai la peau sur les os. Dépêché sur le dos, tourmenté, c'est normal, gros, j'ai pas fait l'auto. Dépêché sur le dos, tourmenté, c'est normal, gros, j'ai pas fait l'auto. Dépêché sur le dos, dépêché sur le dos. Tourmenté, c'est normal, gros, j'ai pas fait l'auto. J'fume 14 gens par jour, j'ai la peau sur les os. Tourmenté, c'est normal, gros, j'ai pas fait l'auto. Vrai mec de dehors, vrai mec de dehors, j'ai perdu ma virginité dans un bat. Vrai mec de dehors, vrai mec de dehors, sur moi j'escalade, vais dormir dans un bat. Maman, j'suis désolé, mes soeurs, j'suis désolé. Tourmenté, j'suis obligé de m'isoler. On s'est mis à vendre parce que en bas y'a rien à faire. J'ai pas pris un euro, mais bon, j'me rapproche de l'enfer. J'me suis mis à fond parce qu'en vrai j'ai plus rien à perdre. J'suis vilain, j'suis Razal. J'ai ma debi dans ta bouche. T'écoutes mon son, tu crois en 2015. Entre elle et moi, y'a aucun sujet tabou. J'ai du talent et j'suis bourré. J'veux des diamants et des dorés. Danse le néné, tu connais la Corée. Danse le néné, tu connais la Corée. J'ai du talent et j'suis bourré. J'veux des diamants et des dorés. J'aime pas voler les autres, du coup j'ai dû droguer les autres. J'fume 14 gens par jour, j'ai la peau sur les os. Dépêché sur le dos, tourmenté, c'est normal, gros, j'ai pas fait l'auto. Dépêché sur le dos, tourmenté, c'est normal, gros, j'ai pas fait l'auto. Dépêché sur le dos, dépêché sur le dos. Tourmenté, c'est normal, gros, j'ai pas fait l'auto. Fume 14 joints par jour, j'ai la peau sur les os. Tourmenté, c'est normal, gros, j'ai pas fait l'auto.